de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. On se retrouve pour l'émission Hint à Brezhoneck. Kentel Pemkan Eiz Adaugen Nekese Eri Ya Matre Pemkan Eiz Adaugen 548 Ngalagulur. Bon, ça va Henri? Ça va. Alors aujourd'hui, l'autre fois on avait parlé du mot Tei, qui veut dire fumier. Et aujourd'hui on va parler du mot Temz, T-E-M-Z, qui veut dire quelque chose qui enrichit le sol. Ça peut être un engrais ou un amendement, parce qu'en français on fait la différence entre l'engrais et l'amendement. L'engrais c'est quelque chose qui apporte par exemple de l'azote, de l'acide phosphorique ou de la potasse, et on en parle en termes de kilos ou d'unités, quoi. Hein. Tandis que l'amendement, on en parle en termes de tonnes, hein. C'est quelque chose qui a une action sur la structure du sol. Donc amendement humique, hein, comme le fumier ou le goémon, ou amendement calcique, comme la chauve, le merle, le 13, voilà. Donc en breton, tout ça c'est Temz. Hein. Temz, par exemple, on va dire Temz Mor, hein, un amendement marin. Voilà. Alors c'est un mot masculin qui a aussi un pluriel, Temzou, mais qu'on n'entend pas souvent. Parce que comme tous les noms de matière, on emploie souvent Temz tout seul sans article. Temz de l'engrais, de l'amendement. Voilà. Alors, on va trouver beaucoup d'expressions qui font partie, qui utilisent ce mot Temz. Alors, l'origine du mot est assez obscure, selon Albert Dehay. Ça viendrait de l'ancien français temps, hein, comme le temps qu'il fait, qui avait un sens plus général que le temps qu'on utilise aujourd'hui, qui voulait dire la manière d'être. Voilà, mais je suis pas trop sûr de cette explication-là. Voilà, alors beaucoup d'expressions, par exemple « skew Temz », « skew en Temz », c'est épandre un amendement ou un engrais. « skewer Temz », un épandeur, hein. Voilà. Le verbe « temzan », qui est enrichir un sol, hein. Voilà. Qu'on utilise aussi en cuisine pour dire épicer. Apporter un Temz pour la cuisine, quoi. Voilà. Des phrases avec ça. Temz mor d'endour. La terre est bien enrichie, hein. Laka Temz, maître de l'engrais. Temzou, celui qui va engraisser le sol, hein. Temzadur, c'est la fertilisation. Donc, c'est un mot composé à partir de Temz. Et donc, qui est un mot masculin, puisque tous les mots en adur sont masculins, sauf plijadur. Oui, j'ai dit l'épice. Alors, Temzbuit, c'est l'épice. Hein. Voilà. Alors, les amendements en Bretagne et les engrais sont quelque chose de relativement récent. Enfin, c'est arrivé au 19e siècle. Hein. Autrefois, on pratiquait une agriculture strictement biologique. Hein, avec les engrais de ferme, en particulier le fumier. On allait quand même chercher du 13 sur on la allait, côte. Oui, alors oui, j'allais le dire justement. On allait chercher du 13 au bord de la mer. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était en libre-service, hein, c'était gratuit. Et oui, les cavaliers d'extérieur, là, ont cherché à retrouver les itinéraires pour aller chercher du 13. Hein. Voilà. Et je me souviens quand on était gamin, il y avait comme ça beaucoup de. On allait chercher des coquillages dans le 13, hein, qui étaient des coquillages en mauvais état souvent, mais enfin, pour nous qui étions loin de la mer, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Et alors les amendements et les engrais sont développés avec le progrès des transports, en particulier le chemin de fer à la fin du 19e siècle. Alors, dans les amendements, il y a la chaux, par exemple. Hein. La chaux, c'est ra, ça s'écrit R-A-Z, mais ça se prononce le R très accentué, ra. Alors, avec ra-beo, qui est la chaux vive, hein. Ra-distande, la chaux éteinte, hein, qu'on obtient en ajoutant de l'eau pour tuer le feu de la chaux, si l'on peut dire. d'autres expressions avec ra, dou ra, hein, l'eau de chaud, et les ra, le lait de chaud qu'on utilisait pour désinfecter les étables, par exemple, et même pour badigeonner les murs des maisons. À l'intérieur des maisons, c'était à la chaux. J'ai vu faire ça quand j'étais gamin encore. Voilà. Alors le 13, c'est un mot masculin qui a aussi un pluriel, 13 you, qu'on n'emploie pas souvent. Donc on dira plutôt un 13 ou 13 tout simplement pour dire du sable marin, quoi. Ici, on disait souvent zèbre de mort aussi. Voilà. Et le merle, alors le merle qui est une algue calcaire, hein, au sens strict, hein, c'est une algue calcaire, un lithotame, qu'on peut utiliser brut ou moulu. Voilà. Mais on emploie souvent le mot merle pour désigner le 13. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas toujours du merle pur. Voilà. Et un dérivé, c'est 13, hein, plage, hein, qui est un mot féminin, donc on dira un 13. Il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent comme ça, Pentrez, Trautrez, ou Tristrau, plus exactement. Voilà. Alors, dans les engrais, il y avait ce qu'on appelait il y avait un autre mot qu'on entendait autrefois, c'était l'udu, la cendre, hein. L'udu grise, par exemple, c'était soit les scories, soit le phosphate naturel. Je me souviens, quand j'étais gamin, quand on plantait des pommes de terre, on mettait une poignée de l'udu dans le fond de la raie, à l'endroit où était le plant de patate, quoi. J'ai vu ça avec ma grand-mère, c'est comme ça que j'ai commencé mes études en agronomie, en plantant des patates. Voilà. L'autre engrais à bandement, si on peut dire, le purin ou le lisier, donc c'est Hanvoise, hein. Mais ici, on parlait plutôt, on abrégeait en Hau. Hau. Hau, c'est le purin. Ou Dour Hau aussi. Voilà, Hau. Hanvoise, voilà. Et puis, une source d'amendement et d'engrais aussi, c'est les algues, hein. Bésine, hein. Donc, bésine mort, hein. Qu'on appelle dans certaines régions baramour aussi, c'est joli, hein. Le pain de la mer, oui. Voilà, qui a donné des verbes comme bésinant, qui est fumer un sol avec du goémon, et bésinat, qui veut dire récolter du goémon, quoi. Bon, eh ben, on a fait un petit peu un tour sur les engrais et les amendements. Thèmes en breton, un mot très employé, hein. Très employé, surtout en agriculture, et puis on a vu Thèmes Boued aussi, pour les épices en cuisine. Voilà. Thèmes d'en doua. Thank you. Brezhoneck en matin, mais avec un petit dialogue, Henri, aujourd'hui. Oui, alors c'est à l'école de Zantol, où Joom Nédé, l'ancien instituteur qui est en retraite aujourd'hui, est toujours chargé de coordonner l'étape. Et donc, on va, Chanik est allé le voir et on va voir ce que, de quoi il s'agit. Salut, Job. Manager. Matré, Chanik, ah oui. Madié. Mais, l'aridinta, Job. Erué, Amzer, en distroskol, à clé, vedmeuse, et vaugret, gonneur, or, blamant, roi, sans tapou. Pétraisé, en tapou. Un tapou, Paul, un tapou, et Obertrau, gonneur, vugal, et dis, hendwell, de spesvegret, hendel, baskol. Dasquer, zonerez, arzou, Obergouren, Montevel, ou d'or planté, nous. War Hermès, Oberstamp, Fardambouet. Ah oui, Aratoul en Trausé? Oh non, très chance. Mira Wardro er Zoneres, Agerhan, me vregera Wardro en Rekipeo. Opodio wang de school Gouren, ra Wardro er Gouren, Agonel ra Wardro er Blantenu. Azé, ablij d'Arvigale? Ya, plusieurs à d'Arvigale, et Gwel Tudel, à Obertrowel Vascol. Eh ben, on va reprendre. Phrase à phrase, le dialogue entre Chanik et Job. Salut Job, ma de jeu. Oui, bonjour Job, comment ça va? Ma très Chanik, Narui. Très bien, et vous? Ma dié. Très bien aussi. Mais l'arrêt d'Ita, Job, est rué en distroskol. Oui, mais dites-moi Job, voilà maintenant revenu la rentrée des classes. À clé et vedmeuse et vos grès de grandeur, arblamant, roise, en tapou. Et j'ai entendu que vous feriez encore cette année les tapous. Les tapes, ah bien, en breton, il y a tapou. C'est les temps d'activité périscolaire. Petra et un tapou. Qu'est-ce que c'est que ça, les tapes? Pas en tapou. Et Obertraug en Arvugal et Dizinvel de Spes Végret Händel Barskoul. Oui, le but des tapes, c'est de faire à l'école des choses différentes de ce qui se fait d'habitude. Dar Square, son Erez, Arzou. Par exemple, de la musique, des arts. Obergouren. Du Gouren. Monde à vélo, terre plantée, noir armé. Aller voir les plantes à l'extérieur, à la campagne. Oberstamp, Fardambouet. Oui, faire du tricot, faire de la cuisiner, quoi. Hein. Ah oui, à rat tout dans le trausé. Et vous faites toutes ces choses-là? Oh non, de chance. Oh non, heureusement. Mais à Wardro, à son RS à Garand. Oui, moi je m'occupe, hein. Oberwardro s'occuper de. Mira Wardroer Zoner Ezagahan, je m'occupe de la musique et du chant. Me vrai Gara Wardro Arekipou? Ma femme fait autour, j'allais dire, oui, s'occupe des recettes de cuisine. Ur Potiawang de Zarskol Gouren Ara Wardro Argouren? Un jeune homme de l'école de Gouren, Skol Gouren, vient s'occuper du Gouren. Agenel Ara Wardro Arplanteno. Et un autre s'occupe des sorties botaniques. Aze Ablige d'Arvugale? Il s'appelait aux enfants? Oh, y'a, pligeradé gwelet trawel, à Tudal Barsko. Y'a, ça s'appelait aux enfants de faire des choses différentes et de voir d'autres personnes à l'école. phrase au névervo. Ben, calze draw et vel juste boire vej diouzan. Krogom de diantan et vel kiz a custum, gandela bourdouar hag vu e war armez. Tramene de bremañ nan tom a mont de ram war zu diska ramzor. Pad nan eus obet amzor klou ar war, gant glo a yol, peso mad war vid en trevadou. Ur egoz lare, glo a yol an amzor war de blanto kol. Hag blam eus obet amzor war de blanto kol, pe dioz obet glo a yol pad nan. Un est eus obet zer an mad war benefin, mam eus vejo vije diez d'oporzik a gleb vije en trau, med benefin e bezer an mad war. Hag ur an daman zo ben ma doar. Vichon moar la bour douar, kalz dabud hag kalz reus so bet, gant ar feur un nio empoisonet, gant ur fi prenil, ur fri penil, zo un dant ve louza ou ve in plijet, evit lach a lau ur yer. Hag un draze zo nous gavet ba uo zo be prenet ba broio wiesel a ba Belgique. Hag an se ma trezen e gwellar d'un dut pre eno. Uo deus evro, pudur un efin zo ve produ traoar uo bavro. Waler nan te namzor vid homiso, da skwer ba kanuel oa blam vid homiso, homis pe la rin bat, e vid kanton zan Nicolas, kanton ko zan Nicolas, pudur ne ke kanton tin, me bo pe ve der d'ober homis vid kanton zan Nicolas. A blam oa konkour yo trein douar, zo bet hag konkourio vid mont souzdre gant kiri stok de un trakteur evel just peso diez war. Hag evel just zo bet konkourio evid lonet. Hag on tout lama de dut zo bet ba remise blanme ba kanuel. Foar yoel zo evel voir vulat, hein, vid ur yezeg. Hein. Blanme zo bet kalze diezeg oaz a kalze dut. Foar biozone ba mur. Bromevel ar ba ger ledan, me mur e bropet. Hag zo bet spendo an stal ba biozon, nor ke bet? Non ke bet. Non, mi non ke bet blan me roaz. Hag hendel zo bet spaz ba roazan, hag az zo bet spend kant mil dut, hag benefin spaz zo sort komis braz, pe yo a spend skeiz kant lon, hag kant mil dut zo bet felet an omesk notre ministre là, Bourdouar, hein, Zobé de Horondro. Bon, Hendel, bah, War Hermès, vous gouelet prestige, enfin, lance d'y entrou, chassour, y'en oval, et grand au chasse, ou à l'air long de gué, guédon, ronifle de yourret, morgué, hag, mais me sera, ne ptatera, n'hiver, chassour, y'en bavrou, tant ma tant, ne ce que calze reya ou antine au monde de chassé. Bon, ben, mis Gwengol, oui, evel juste, ou aller à vacances ou distroscol, un distroscol. A blanc, mes obé calze d'abut, gand, hat stumadur, amzer scolidi. Pe wa vis san pey on minis un discadur, stad, ou abégrèd or système neve, gand pemde, scol par dors une, a trawel kinig de, un tuel de Namzor School, rendre de gal à tap, tant d'activités périscolaires. À de mzon, j'ai ou en drava, pu dire, zéré trop d'orvugal et de zisolo in trawel, ou ardache un arzou, un sportchou, un nature, à de vel tudel bas school. Mais zé ou à que tombe de baspire et de jacobine de vel juste. À que, un ministre névé, un discadurus, un eslac de, un esro de, leur chouage, leur parousio, à travers système payon, avec le système cause, grand père des scoles, heben tapu, à zénez lac, case d'abut, case barouge, au révèle juste, à que derne mire de système payon, à dernel, zoet, grand système père des scoles. Bon, ouel vaut, puis sa mot vaut, banam, zon de zone. Wardachener politiqueres, cas heureux so bit gant a fer un implij ou zikouret, on pourra aider un galak, da ugen lasso a bekrou ad un implij ou ze, da houl se vigelar d'un tuk, hag zin eus ro de le, zin eus gret kalz de vod de vid gevridigezio, war dach en eus evenadur eus porchou ur vu eis okial. Mais il voit que dans une pige où l'on me gagne leur business, à ces occos, mon inar va vraiment. Évidemment, il y a la bourre à Badiwan, mais des fins au Bécard, dans des cloumes, vider blâme en bopet. Mais le chômeur a un trou, bresse, quoi, voir un dash en zem. Puis on a comme de se politiquer, les vaisseaux, ou être en an, ou renant le prohon, un dinze, ou au mesquerie, ni ou bécrou de spen rentrant de l'assaut, bah, bla, père à Triugen, puis la rinmat, une vendeuse démocrate, le brace, un UDB. Hag, jonge, un dutse, ni ou jonge, ober ostrolat politique, elle de zen tuclay, hib, boud, baspère de Jacobinet. Mais j'y vois, ostrolat UDB, bénéfice au chôme d'Istoroir, à Gargal ou de Breiz, au chôme de Bétac Brément, dans le Jacobinet. À ces causes, calze drôle, non que calze ou arog, Breiz, vel, broyoel. Wardash en économie, stal tout boulik, bakalak, un eslive, des vaisseaux, un eslide, des vaisseaux, y dégâtri, des abla, hag, stal zo wabekrou, de dient en tout, bah, l'ouyuk, herbla nante, kan, seis adouyugen. Hag, boué, bon, ne skresk kals, hag, stal zo, en ave mord, bah, bé de mécanique ou, vie de l'arbre douar. Dans mon temps, vraiment, bah, wardash en zévenadur, babar ou splon de kintin, zo, un tuel de nilis, au neubel chapeliou, y trondvaria kerhir, chapel zand koloban, chapel zand venter, à chapel zand roh. Ag, chapel zand roh, zo bedilez et pelzo, à gouskoudur chapel gwan, dis hendel de zoriel, chapel zo beprin et de grand par ou plon et pemze glaso, mais de nekubigret de l'arbourio, ag bon, un arvar mon chapelze, mais vraiment zo gret or gevridiges mignon de zandro, et vid hadzive leur chapel, ag bon l'arm chanzoate, war en dachenze. Un de elouen len, vichon wa dachenze evenadur, un de elouen len gazette en musique bretonne, ag meus gwelet, waed de nanang, pollué loup. Pis ne moi que clève, là, pour lui et loup, et de nanan, ben, mise, mais moi que mes clèves, elles, j'onge mord, me ste sang, pour lui et loup, aux ondes, à quand, leur brûle, de doigts, bavro, ou à drôle, leur blavé, si au décatrugen, grenéwa, au bladen, j'onge meuse, gand, leur, strolat, crou, et grand temps, et scrillet, j'onge peuse de zé, à gand, et, péwan, le doigt, et riverlet, et ouen un ouen driverlet, y'a mi moi plus jadur, y'a plus jadur moi, et ouen un ouen de driverlet. Hag, quand on aurait yvé, zone des tiens en blanc, quand pauge au grec, quand t'as le dire, hein. Bon, sais-tu, et aide de l'anlande. Hendel, vichom, war, dash, zévenadur, zobet, calze drôle, bah, pas de nom, bah, vro, hein, digré du zégoel, toute pèse kinig, le dut, ne ce que moyennement besoin de partout, hein, bon, gwel en dans nous de zo bête calze dut, blanc, mûr vidoir l'année, gwel ficelle, bah, rostren, tram, ma, bah, trezen pèse bête clève doir, RKB, clève moi en or, bah, un des, de zul d'abdé, ya, hag, bon, bah, bonheur et cuillem, puis bon repos, vel, l'art d'une galac. Zo bécal, je dut blanc, me roise, vide, une larveste. Gol cal, je pardon, yo, zo bét. Hag, hendel, zo bé roise, hit à hit, gand de blanc, gand de nan, lieu mouvant, bas en danton. Bah, la rue, zo bécal, je, cal, je dut. Hendel, et vide, chu, nan, war zévenadur, ur strolad kanner yen chantout loudia, un eslid di hanter kandla, un deel ba loudiak, hag a zo bekal ze dud, hein, ma trezen poa o klev de Gérard Blouin a Guimadeg ou a bet de gomp de se war vagelou RKB. Bon, a roas o de zon kizelan ba melionok prestik, C'est une tombe de Spesso, Neve Bavro. Merci Eric. Kenavo. Kenavo, ya. Morgane.